Gérard, plus c'est tard. L'émission sponsorisée par les prothèses à cajou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dehors! Et qu'est-ce qu'il y a? Olivier de la Pro, dehors! Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas de jingle, tu sors. Hop, bonne nuit! Il y a rien eu là! Attends, on va lancer. Non, tu sors! Remets-le pour qu'on écoute bien. J'ai pas suivi là. Le SDF et son débat, c'est Gérard sur Fun Radio. Non! Alors là, non, dehors! Les débats de Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. L'émission sponsorisée par les prothèses à cajou. Non, c'est pour la jambe. Non, tu sors. Tu sors tout de suite. Oh, t'as fait une tuerie. Non, tu sors. Je te fais des nouveaux jingles. Des nouveaux jingles. Là-bas, Fildar, tu vas à l'arrière, s'il te plaît, je commence par les débats. C'est bon, on va faire le quinquennat. Non, tu sors. Ça va être cool, ton débat. Tu sors. Tu sors tout de suite. T'as 3 minutes, fais le standard un peu là. 3 minutes, c'est bon, t'as le temps. Je vais faire un peu de standard. Non, tu sors tout de suite. Bah, il est Manu au standard. Tout seul. Mais non, Manu, se débrouille, tu sors tout de suite. Oh, on oublie tout. Tu sors tout de suite. Je peux pas. Non, tu sors tout de suite. Ne faites pas trop crier, ça. Tu sors. Essaye de pas transpirer. Tu sors, s'il te plaît. Il commence à. Allez, Arsène. À suer et tout, ça commence à être chaud. Bon, Fildar, tu vas. Ouais. À l'arrière, s'il te plaît, merci. Ok, Nana ou pas? Non, il se débrouille tout seul, Manu, il a l'habitude quand c'est comme bizarre, ça. C'est grand. Je suis un boss. Voilà. J'aime bien de personne, moi. Voilà. Bon, on va commencer. Donc, bonsoir à tous. Donc, Fildar qui est à l'arrière parce que je voulais pas d'Olivier Dapro. Donc, Rigo qui est sur l'internet. Donc, vous pouvez y aller www.fr.funradio. Bonsoir à toi, Rigo. Une petite minute. Bonsoir à toi Manu, ouais, je suis en train de manger. Et donc bien sûr la mère à Manu qui est là pour qui sera là pour voir comment que ça se passe sur les débats qui se passent à l'heure actuelle. Donc bonsoir à vous, rebonsoir depuis tout à l'heure. Donc alors la première le débat va porter sur le quinquennat, donc vous pouvez donc vous pouvez nous appeler au 0803 085 000, donc Manu qui vous attend au standard et on accueille Jospin, 25 ans de Limoges, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir pour cette nuit marathon. Et ta fréquence s'il te plaît? C'est 95.4 FM. D'accord, Claude, t'éteindras ta radio s'il te plaît derrière, merci. J'ai pas de radio. Chaude Bourgeoise, 28 ans de Tours, ta fréquence s'il te plaît? 102.8. Combien? 102.8. Bonsoir Fréchère, bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Manu. Bonsoir, je suis bourgeoise. Et la Ziza, donc 23 ans. Bonsoir. Vous commencez pas là, les deux premiers, sinon vous allez voir comment qu'on va faire. Donc la Ziza, 23 ans, Paris, 101.9. Tout à fait, bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir le marathon. Ok, et qu'est-ce que tu m'as mis là, poupe? Pouce de Guidog. Pouce de D-Dog. Oui, bonsoir Gérard, ça va? Ouais, qu'est-ce que ça peut foutre? T'es pas médecin? Okay. Oh, chaud. Ok. Ta fréquence? 100.9, j'appelle de Paris. Ah bon, Brive? Ah bon, c'est bizarre, j'ai Brive et t'appelles de Paris. Je suis en vacances sur Paris, c'est pour ça. En fait. Et c'est quoi là ce Manu? Bah, il habite à Brive, il est en vacances sur Paris. Mais alors, dans ces cas-là, tu mets Paris. Hop, voilà. Terminé. T'as compris Manu? Ouais, mais il habite à Brive, donc je peux pas. Non, mais on s'en fout. 101.9, on s'en fout. Elle en y va, Gérard, parce qu'il y a un acteur là. Savez-vous ce que veut dire le quinquennat? Ouais, moi je sais, c'est Jospin. C'est un sport de combat. C'est ça. Qui vient de dire ça? Jospin? Non, c'est pas moi, il y a quelqu'un qui m'a imité là. Bah alors, non plus. Pousse, dog, je sais pas quoi là. Pousse le guidog, merci. Ouais, alors? Ouais, je sais pas trop, c'est peut-être une position dans le Kama Sutra, je sais pas. Ouais, c'est ça, t'as raison, ok, on a tout compris. Tu comprends vachement bien ce qu'on veut dire, hein? Très bien. La Ziza. Oh, ça y est, oui! Bon, ouais, je préviens, une chose. On se moque pas. Je préviens tout de suite. Laquelle. Je vous préviens que le premier qui déconne sur le nom d'un auditeur va gerber, je vais ne pas me faire braire cette nuit. Le premier qui dit une connerie, je chope au hasard, je lui dis bonne nuit. Alors, Claude Bourgeoise, au revoir. Allez hop, terminé pour toi. Manu, s'il te plaît. Claude Bourgeoise, tu lui dis au revoir. La chaude bourgeoise, pardon. Terminé. Allez, c'est parti, hop. On y va. La Ziza. C'est un débat sur le Katavana. Alors moi, je pense... Fais gaffe, Jospin, parce que tu risques de faire autant aussi. Bon, Gérard, on y va? Yes. Alors, la Ziza. Ouais, allô? Bon, moi, je pense que le quinquennat, c'est un rapport avec les chiffres. Et la numérologique, je pense. C'est-à-dire ? Bah, je sais pas plus. Hein. J'ai lu ça dans un article. J'ai vu que c'était rapport avec la numérologique, le quinquennal. Bah, mais attends, sur la numérologique, de quoi ? Bah, je sais pas, des chiffres. Bah, forcément, des chiffres. Ouais. Attendez, Rigaud ? Oui, Gérard, une très bonne question sur l'IRC, chaud dans le débat. C'est Paul Atreides qui te demande, tu es pour un quinquennat de quelle durée ? Ah, bah, justement, on va en parler. Ouais. Ouais. Donc, je veux bien répondre à cette question tout de suite. Donc, en fin de compte... Non, peut-être, pas, en fait. Peut-être tout à l'heure. Bah, tu lui dis qu'on lui... Tu peux lui dire, il t'écoute. Bah, donc, le quinquennat, en fin de compte, c'est une durée qui dure 5 ans. Mais voilà. Qu'est-ce que le quinquennat, alors ? Bah, le quinquennat, c'est pour diminuer les élections du président de la République. Soit qu'il les laisse à 7 ans, donc... Ils sont pas d'accord qu'ils soient jusqu'à 7 ans, ils veulent les descendre à 5 ans. Voilà. En fait, ils font des élections pendant 5 ans. Non. Au lieu de 7. Non, c'est 7 ans, mais ils veulent les redescendre à 5. Mais quoi ? Et pourquoi ? Ben, ils veulent que le président de la République, au lieu qu'il reste 7 ans au pouvoir, reste que 5 ans maintenant. Et pourquoi ? Ben, justement, le pourquoi, c'est de savoir. Pourquoi ? C'est de savoir pourquoi qu'ils veulent ça. Infilé. Peut-être qu'ils veulent plus de présidents et qu'ils veulent en virer plus. On ne sait pas. Ouais, on sait pas. Ils peuvent être élus ou pas après ? Ah bah ça, s'ils se représentent, oui. Mais ils auront un mandat, au lieu qu'ils soient de 7 ans, là, comme c'est à l'heure actuelle. Excuse-moi. Il sera moins long. Un mandat à poste ou un mandat comme tu veux. Comme tu veux. On s'en fout. Arrib. Ouais. GG. Non, attendez, il y a. Ouais, à la place de Chaude Bourgeoise, on accueille Teubéry. Teubéry. Bonsoir Teubéry. Ça c'est Teubéry, c'est mon nom. T'appelles d'où ? Bonsoir Fida, bonsoir Manu, bonsoir Rigo, bonsoir les auditeurs. T'appelles d'où ? J'appelle de Paris, 101.9. Ok. Non mais quand je te demande quand t'appelles d'où, tu me réponds avant de dire bonsoir Paris, aux auditeurs. 101.9. Ok, Jospin. Oui. Ouais, le quinquennat, donc je t'ai répondu, pour moi c'était une durée de 5 ans, c'est un mandat, il change de mandat, la poste, tout ça, le RIB, vive la France. Bon alors, Jospin, au revoir, non, comme ça. Vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Je suis républicain, moi, monsieur. Oh, je paye mes impôts, moi. Ouais, bah tu payes tes impôts, moi je viens de dire ce que c'était le quinquennat, alors bonne nuit, Jospin. Ouais, bah tu continueras d'écouter dans ton lit, allez hop, bonne nuit, au revoir. Gérard. Sur oui. l'IRC où on est déjà 6437. Bien, déjà. Ouais, déjà ça monte. Franchement, tu cartonnes. Salut. Il y a une très bonne question de Davy One qui est belge et il te dit qu'en Belgique il n'y a pas de président de la République. Alors comment ils font pour un quinquennat ? Ah si, justement. Mais qu'ils arrêtent sur l'IRC pour l'instant, s'il vous plaît. Vous arrêtez de nous parler déjà de toutes les questions que je vais dire. Ah, pardon. Parce que ça ne sert à rien que je vous réponde avant. Mais je crois qu'en fait, il y avait des questions sur radiogérard.fr.fm. Non, ça n'existe pas ce site, donc c'est pas la peine. Donc voilà. Donc qui c'est que j'ai oublié qui n'a pas répondu à la question ? Ah, Teubéry. Oui, la question c'était. Je vais dire à Manu. Manu, quand tu prends des auditeurs, quand tu me redonnes des auditeurs, tu leur précises la question, d'accord ? Ouais. D'accord, et on va accueillir Vitecouille, bonsoir. Tu y as précisé la question qui m'a... Non, parce que moi-même, je la connais pas ta question. Alors Vitecouille. Donc, c'est pas gagné. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. T'appelles d'où ? J'appelle de Troyes. Non, comme quelle belle ville. Ta fréquence, toi, le Troyen de mes deux, hein ? Ta fréquence ? 107.3. Voilà. Ouais, ça m'étonnerait parce que j'ai regardé sur une carte et c'est pas 107.3. En de bon entendeur, salut. En numérique. C'est ça, en numérique, t'as raison. Ah ouais, mon père. Ouais, c'est ça, t'as raison. Alors, Vitecouille et Teubéry, la question c'est, savez-vous ce que veut dire quinquennat ? Quinquennat, c'est ouais. un magasin d'outillage, ça. Ouais. N'importe quoi. Tu me dis quinquennat ? Quinquennat. Ah, quinquennat, c'est la... Oh, quinquennat. T'as dit ça, peut-être que tu disais... Non, j'ai dit le quinquennat, c'est toi qui... Je te dis que c'est... Quoi, tu pues, ta gueule. Ta gueule. Donc, pour vous, Vitecouille et Teubéry. Bah, le quinquennat, c'est une marque de chaussures. Quinquennat, pas quinquennat. Oh là là là. Je crois que c'est la durée du mandat présidentiel, mais j'ai... Voilà. Bah, c'est ce que je viens de dire depuis tout à l'heure que j'explique. Ah d'accord, j'avais pas compris hein. Ah d'accord, ah bah dis donc, faut peut-être vous réveiller, hein. C'est pas parce que c'est la nuit marathon que vous dormez déjà à 1h15 du matin. C'est pas comme si qu'on faisait 2 heures de débat d'affilée. Ouais, hein. C'est clair ça. Gérard, justement en parlant de la nuit marathon, tu sais ce que c'est 10 personnes de forte corpulence dans l'eau ? Non. C'est marrant quand tu me l'as raconté tout à l'heure, c'était pas... Ouais non mais je veux pas dire de nom à l'antenne, hein. Vous savez bien que c'est saucisson mystère. 10 saucissons mystères dans une mare d'eau, c'est quoi ? C'est toute la famille à la plage, non ? Non, c'est une marathon. D'accord. Voilà, bon. N'importe quoi. Ouais, alors, go. Oui, encore une très bonne question sur IRC de Nescafé. Il te demande comment ça se passe le quinquennat chez les Pokémon. Est-ce que Pikachu, il a fait un Pokémon de. Un quinquennat de. Mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est plutôt Kakapu. Ouais, c'est ça, t'as raison. Kakapu. Devant ton micro, ma couille. Eh, Gérard, je suis devant une webcam, c'est chiant, mais je vois le studio et tout, et je vois ta tête. C'est mortel. Ah là, il y a Manu qui lève la main, il fait un bras d'honneur et tout. Ah, génial. Ouais. Sur internet, ils ont des webcams, ils peuvent voir le. Ouais, non, mais. À mon avis. Hop, là, tu lèves le bras. À mon avis, c'est à côté. Mais non, donc, non. Ouais, ouais, tiens, mon cul. Mais non, elle est là, la web, regarde. Avez-vous déjà entendu parler du quinquennat? Ben ouais. Ben bien, c'est bien. Oui. Avez-vous déjà entendu parler du quinquennat? Alors, 48% des gens répondent oui, mais ils préfèrent le septennat. Alors, 27% répondent qu'il y a une différence de 2 ans en pauvre con. Ça, c'est pas mal. C'est bien ça. 17% des gens sont fonctionnaires et dorment, bien sûr, pourquoi pas. Et 9% sont plus intéressés par les Philippines. Alors ça, j'en ai rien à foutre. Alors, je perds le sondage comme ça va aller plus vite. Deuxième question. Deuxième sondage, alors. Que doit-on faire pour mettre en place le quinquennat? Alors, 45% des gens répondent en mettant des cultes. Des quoi? Des culs? C'est quoi ça encore? Non. Enfin, on s'en fout. 31% des gens répondent qu'il faut perdre des emplois fictifs. 20% pensent qu'il faut suivre un ministre en partouze, bien sûr, pourquoi pas. Et 12% des gens pensent que la France va gagner l'Euro 2000. Celui qui s'amuse à sortir des sondages, c'est pas l'Euro, R-O-T, mais Euro, E-U-R-O. Ah, comme la monnaie. Voilà. Ah, d'accord, merde. Donc, troisième sondage. Que peut apporter le quinquennat? Alors, 75% des gens disent la possibilité d'être plus disponible pour la SADO, pourquoi pas. 29% répondent que l'important c'est la rose, l'important, ah, oui, bien sûr. 23% disent une fermeture des foyers d'hébergement, pourquoi pas. Et 5% répondent des ministres, des présidents en tôle. Attends, on comprend rien ce que tu dis. Garde-en un peu pour tout à l'heure, mon grand, on va reprendre le débat là. Donc, il y a déjà la moitié des trucs, je sais pas, donc de toute manière, c'est pas Rigo qui les sort, donc c'est attends, Rigo. Non, parce que j'ai demandé. Non, parce que j'ai déjà demandé à Rigo d'avoir le sondage. Il m'a dit que la photocopieuse était en panne. Donc, bah, ça l'est pas. Ça, c'est, non, elle est attends, pas réparée. En plus, ça parle des Philippines. Attends, des êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à vous présenter à l'élection du quinquennat? On va demander à l'Aziza. Ce mot, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Cependant, nous allons essayer de l'apprendre ensemble. Celui qui s'amuse à faire ça, arrête, parce que ça me gonfle, sérieusement. Alors êtes-vous prêt à vous présenter à l'élection du quinquennat, l'Aziza? T'as dit quinquennat, là? Ouais. Quinquennat. Moi, honnêtement, je suis pas prêt. Ouais. Parce que je pense que je suis pas encore assez mûr. Mmh. Il faut savoir laisser mûrir les choses dans la vie. Et je pense que c'est quelque chose qui demande réflexion, donc moi, je pense que je suis pas prêt. Par contre, toi, je pense que t'es bien mûr. Oh non, mais je pense que tu commences même un petit peu à pourrir. Ah bah c'est bien. Dans ces cas-là, l'Aziza... Il faut cueillir le fruit avant qu'il soit pourri. L'Aziza, dans ces cas-là, tu vois ce que je vais te dire? Si je commence à pourrir, eh ben je te dis bonne nuit. Au revoir. L'Aziza, au revoir. Oh, merci pour ceux qui chantent derrière. Pug Dog Dog. Pousse Doggy Dog. Wesh. Ouais, bah non, moi me présenter à l'élection du quinquennat, il n'y a pas moyen, parce que je suis encore trop jeune, j'ai pas mal de choses à vivre, et la politique, c'est pas mon truc. Donc, voilà. Monsieur excuse-moi. Si le président, ou je sais pas, le ministre, devait se présenter au septennat, et qu'il a été élu, est-ce qu'il peut se représenter en même temps pour le quinquennat, s'il va avoir lieu là? Mais justement, c'est une bonne question. Non, mais justement, là, on va pas tout mélanger, parce que je demande, êtes-vous prêt à vous présenter à l'élection du quinquennat? Par exemple, là, monsieur Chirac, le président, est-ce qu'il peut se présenter pour le quinquennat s'il fait déjà le septennat? Bah, justement, c'est lui à l'heure actuelle qui demande à ce que le quinquennat soit modifié. Et donc, lui, si tu veux, il va se représenter là en 2002, donc il est prévu là pour 7 ans. Mais ce qui va se produire, c'est que là, on va en parler tout à l'heure. Mmh. Mais le problème qui va se poser, c'est savoir s'il va être élu ou pas. Mmh. C'est de savoir, parce que là, c'est un mandat présidentiel qui dure 7 ans. Pas trop politique, quand même. Non, mais moi, je te dis... Non, mais moi, je m'en fous. De manière, on a voulu faire un débat là-dessus. Moi, je me lance, c'est tout. De toute façon, t'es de gauche, toi. Non, moi, je suis pas... Moi, de toute manière, que... T'es pour les Verts, Il y a un truc qui te dit que tu sois de gauche ou de droite, de toute manière, tu seras cocu. Voilà, terminé, point final à la ligne. Hop. Comme ça, j'ai répondu à ta question. En 2002, Chirac se représente pour le quinquennat. On ne sait pas. Pour un septennat, en fait. Non, mais on ne sait pas, justement, s'il va se représenter ou s'il ne va pas se représenter. Ouais, mais pour combien de temps? Pour 7 ou 5? Non, mais ben voilà, c'est là le problème qui va se produire. Quel problème? Le problème, on va le savoir sur la question d'après. Parce que Il y a des trucs qu'il ne va pas falloir... Jospin, tu dois le savoir, tu sais, il y avait une rumeur comme quoi c'était ton père. Mais non, j'en ai rien à foutre. Toberi. Il a attendu que t'aies quinquennat pour te... Excuse-moi, juste avant, on va accueillir Zoubida. Zoubida, qu'est-ce que tu vas pleurer? Zoubida, ce soir, bonsoir. Zoubida, t'appelles d'où, s'il te plaît, merci. Marrakech. Marrakech sur mer. Encore un qui est en train de se foutre de ma gueule, mais grave de chez grave. Comme d'hab, de toute façon, Marrakech sur mer, dans le Vercors. T'appelles d'où? Dans le Vercors. Marrakech sur mer. Ta fréquence, s'il te plaît. 37.2. Merci, enfin. T'as quand même compris ce que je voulais dire. Tout à fait, je suis pour le quinquennat, moi. Ouais, ben, pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse. Devant ton micro, mon poulet, hein. Toberi. Ouais, bah alors moi, ce que j'ai compris du quinquennat, c'est que maintenant, on peut devenir président à 5 ans, alors qu'avant, on était obligé d'attendre d'avoir 7 ans. Mais non, voilà. mais je te parle pas de l'âge, mais t'es vraiment tobé, toi. T'es tobé, hein. T'es vraiment tombé, mon pote. T'es tombé, hein? T'es dégueulasse. T'as quel âge? Hein? Ouais, 2 à 3, on saute, 1, 4, on recommence. Allez, tombé, Manuel. Tombé, ouais. Tu lui dis au revoir, comme ça il comprendra quand je lui parle. Je peux pas, j'ai besoin d'un nouvel appart. Tombé, tu lui dis au revoir. Bien joué. Manu. Rigo, pardon, merde. Ouais, bien, ouais. Il y a Snake sur l'IRC qui te demande comment est-ce qu'on attrape un quinquennat. Il voulait savoir si c'était contagieux. Il n'y a pas de maladie pour ça. Donc, sa réponse, elle a ni queue ni tête. Mais si un président est malade, est-ce qu'il peut continuer son quinquennat? Ben, s'il est malade, ça dépend ce qu'il a comme maladie, ou sinon, c'est le Premier ministre qui prend la relève en attendant qu'il soit guéri. Voilà. Voilà. Donc, vite couille. S'il faut devenir président du quinquennat, je veux bien. Mais je sais pas, c'est pour quoi faire, quoi. Ben, à ton avis. Je sais pas, tu me dis pas. À ton avis, si on fait un quinquennat, s'il y a un quinquennat qui est prévu à l'heure actuelle, c'est pourquoi? Ben, à ton avis. J'aimerais que tu m'expliques. Parce que... Non, mais attends, déjà, tu peux me dire quel âge que tu as, s'il te plaît? J'ai 23. 23. Et t'as suivi tu suis un peu les infos? Ben, je regarde Friends, mais... Ah ouais, d'accord. non, mais attendez, c'est bien, parce que je lui demande, est-ce qu'elle suit les infos? Elle me répond, je regarde Friends. C'est bien, c'est pas mal. Non, c'est parce que c'est avant les infos, c'est tout. Mais est-ce que tu regardes les infos? Après Friends, ouais, je regarde les infos. Ouais, d'accord. Mais j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas compris, quoi. Ils veulent tous se présenter au quinquennat, mais ça servira à quoi? Non, bah allez, c'est bon, t'as pas encore compris ce que je voulais dire. Zoubida. Moi, je suis d'accord pour le principe du quinquennat, mais moi, je veux que l'euro, ça soit tous les 4 ans, ça change pas. Oh, alors lui, complètement tombé aussi celui-là, il me parle du foot alors que je parle du quinquennat. On en a rien à foutre du foot dans le quinquennat. Hein, mais l'euro, tu me le confirmes, ça sera tous les 4 ans. Ouais, mais ça, je m'en fous, moi, de l'euro. Gérard, je te coupe 2 minutes. C'est qui? Pousse Snowy-Ludo. Ouais. Dog. C'est parce que je vois 3-4 vis devant moi, donc peut-être que pour ta jambe Paris pas cher, ça pourrait prendre service. C'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule aussi, toi, parce que je te dis bonne nuit, au revoir. Hop. Salut. Allez, hop. Bonne nuit. Manu. Ça dégage. Ouais, attends. Tu me sors plus Doggy Bug. Doggy Bug. Au revoir. Gérard, est-ce que avec cette nouvelle version là, du quinquennat, il y a Arsène. Avec la nouvelle version du quinquennat, tout le monde pourra se présenter. Bah justement là, on en est peut-être à la troisième question. Là. Ouais, voilà, justement, bah, c'est sur cette question-là que je vais te répondre. On va tout savoir. Voilà. Putain, donc, si Manu. Tu le dis maintenant ou pas? Ben attends, parce qu'il me manque, j'ai que deux auditeurs. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave, tu vires tout le monde. On peut accueillir Jacques Langfourré. Jacques Langfourré. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut, bonsoir, c'est Jacques Langfourré, j'appelle de Blois-sur-Nioule. Et apparemment, tu forces des anus. Tout à fait. Salut, la fréquence de Blois. Alors, c'est dans le Jura-Maritime, c'est 108.8. Exact. Dans le Jura-Maritime, pourquoi pas? Ben oui, il y a un fleuve. Hein. 108.8 108.8, exact. Ok, donc on invite Couille Zubitin et Jacques Lang. Hein. Oui, Moi, pour relancer un peu ton débat, Gérard, tu penses pas que l'idée de quinquennat de Jacques Chirac... C'est qui parle là? C'est Zubida. Ouais. C'est pour relancer le débat, tu penses pas que l'idée de Jacques Chirac de relancer le débat sur le quinquennat, c'est pas pour faire oublier les affaires dans lesquelles se sont emmêlés le RPR... Tu vas trop loin, Zubida, là-dedans. Reviens sur le thème du débat. T'as un sans fil, reviens vers la base. Okay. T'as un sans fil? Non, c'est bon. Non. Vas-y, tu peux. Ouais. J'ai un fil, mais je voulais te poser une question. Qu'est-ce que t'en pensais, toi? Non, mais j'en ai rien à foutre de ça. D'accord. Rigo. Ça manquait. On a eu droit à l'histoire de... Rigo, une question, non? J'ai pas capté. Il y a un escafé sur l'IRC qui te demande s'il faut avoir son bac de philo en particulier pour avoir son quinquennat. Justement, je lui répondrai pas parce que ça va être la question, comment on aura le droit de dépasser de 5-10 minutes, pas plus. Est-ce qu'il y a Nello qui demande comment s'appellent les habitants du quinquennat? Ah là, je ne sais pas, il y a les quinquennois. Il y a, à mon avis, les quinquennois. Tous les quinquennois. Tous les quinquennois. On accueille Monsieur Mazur, bonsoir. Oh là, yes. Allô. Oh non, pas lui. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur, votre ami. Bonsoir. Monsieur Gérard, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver. Ah ouais, mais je m'en fous, allez, bonne nuit. Attends, que je regrette étant la disparition de l'émission L'Heure de Vérité, je vois que par votre organe, tout cela revit, cela me met en joie. J'espère que vous n'allez pas me casser les biens jusqu'à la fin du débat, parce que sinon je vais vous dire au revoir aussi. Vous, hein? Absolument pas, monsieur Gérard, soyez tranquille. Bon, l'émission sponsorisée par RVC. Dans l'analyse de Régis Faucon, là. Oh, Zubida, au revoir. Ça t'apprendra de parler de n'importe qui. Allez, hop, Zubida. Bonne nuit. Au revoir, Zubida. Bon, ok, fumez des spliffs. C'est ça, t'as raison. Alors, la question donc que tu m'as posée tout à l'heure. Très intéressante, oui. Faut-il faire un référendum pour le quinquennat? Ah, voilà. Alors, faut-il faire un référendum? C'est quoi? Pour le quinquennat. Donc, explique le référendum. Alors, un référendum, c'est... un truc qui va se passer lors en Assemblée nationale là au mois de septembre, pas avant, c'est prévu. Oui. Donc il y a tout le monde va dire si oui ou non ils sont d'accord sur le quinquennat pour qui dure 5 ou 7 ans. Oui ou non pour le quinquennat, voilà. De 7 ou 5 ans. Voilà. Et si c'est 7 ans, ça fait quoi? Non, mais ça va dépendre du référendum. Parce que par exemple, t'as à peu près 50% qui disent... Non, mais attends, je te coupe. Il y a que les hommes qui vont aller voter, alors. Non, mais il y aura tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, donc ils vont faire une chose. Là, tu dis référendum. Oui, mais le référendum, ça va être tous les gens qui seront à l'Assemblée. Il y aura un référendum qui vont voter. Donc, ça va être là, ça va être à la majorité. Si, par exemple, t'as 50% des gens qui disent oui pour 7 ans, donc... Bah, c'est pas la majorité, il y aura égalité. Il y a 50% qui disent non. Hein. Ouais, mais s'il y a 50-50, ça va dépendre de comment... Il y aura 6 ans, pas 5 et 7. Ils recommenceront jusqu'à savoir pour savoir si on garde 7 ans ou si on garde 5 ans. C'est ça le truc. Le quinquennat à 5 ou à 7 ans. Voilà. Ouais. Donc maintenant. Si on veut moins. Bah non, tu pourras pas l'avoir moins. Non. Parce que de toute manière, c'est 5 ou 7 ans. Ah, mais pourquoi? Pourquoi 5 ans? Mais pourquoi 5 ans? Pourquoi? Parce que c'est le président qui a décidé que ça sera comme ça et c'est tout. Il changera pas sa position de place. Ah, mais bon, ça a toujours été comme ça ou avant c'était... Non, mais moi, c'est ce que j'ai entendu dire aux informations parce que j'ai écouté justement avant de faire le débat. Donc, j'ai écouté ce qu'il a dit et en fin de compte, ça sera 5 ans, non 7 ans. Maintenant, ça va être vis-à-vis du référendum. Comment que ça va se produire? Si au référendum, il y en a qui disent oui ou non. Ok, s'il y a la majorité de oui, donc ça sera 7 ans. S'il y a la majorité de non, ça sera 5 ans, c'est tout. Ça sera pas plus loin, voilà. Donc, du coup, je pense que j'ai répondu à la question, donc je sais pas pourquoi que je vous la pose. Hein. Ouais, c'est sûr, mais je voulais savoir comment ça s'appelle un quinquennat qui dure 7 ans. Ça dure 7 ans, ça s'appelle un quinquennat, c'est tout. Un quinquennat de 7. Je vois pas comment qu'on pourrait dire comment que ça s'appelle. Hein. Non, bah, je me demandais la question, c'est tout. Parce que le septennat, c'est fini, donc on peut appeler ça un quinquennat. On va accueillir Jojo à la place de Zoubida. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Jojo. Ah, salut. Bonsoir Jojo. Oui, bonsoir Monsieur Jojo. Ah, Jojo d'Ajaccio. Aïe. Alors, entre Jojo d'Ajaccio et Monsieur Mazur, je crois que le débat il va durer jusqu'à 2h30. Oh, c'est un beau cadeau. Jacques Lang. C'est Jojo. Ouais, Jojo, pour l'instant, tu te tais, s'il te plaît. Je t'ai pas demandé. Ouais, GG, moi je voulais savoir. Toi, tu. Qui Jacques Lang. C'est Jacques Lang, ouais. Ouais, bah justement, c'est à toi que je m'adresse. Pourrais, bien sûr. T'as pas donné ton avis, toi, si tu votes au référendum, tu votes 5 ou... Non, mais attends, je viens de te dire, c'est pas nous qui allons voter. On peut pas aller à l'Assemblée. On peut pas y aller, non. On a pas le droit de voter. Oh, non. Mais non, ça se passera pas. De toute façon, t'as pas de papier, t'as une carte d'électeur, toi, ou pas? Ah non, mais moi, de toute manière... Il paraît que t'as fait des filtres pour faire des spiffs avec. C'est ça, Gérard. Ah non, c'est pas moi. Il y a un passeport australien, Gérard, déjà. Des ordres. On peut pas voter. Attendez. Manu, Gérard, calme-moi s'il te plaît, parce que là, ça devient grave. D'accord. Sur IRC, il y a Yankee, il voulait savoir si pour un référendum d'un quinquennat, il fallait voter pendant 5 ans. Mais il y a... Mais ils sont bornés sur l'IRC ou quoi? Je viens d'expliquer comment que ça se passait, un quinquennat. Bah, explique, parce qu'ils n'ont pas compris. Le quinquennat, c'est l'Assemblée nationale qui va dire si oui ou non, ça durera 5 ans, ou si ça durera 7 ans. 7 ans, un quinquennat. Et si l'Assemblée dit oui, ok, ça dure 5 ans, et que le président dit non, je veux pas, à la fin, il se rétracte comme toi des fois à la fin du Covid. Non, mais ça, de toute manière, c'est pas le président qui va se rétracter. De toute manière, si c'est voté pour 7 ans, ça arrive. La prochaine élection qui aura lieu en 2002, si c'est pour 7 ans, ça fera 2009, et c'est tout. Ah ouais, d'accord. Hop, basta. Ah ouais, hop. Si c'est voté pour 5 ans, ça fera 2007, et c'est tout. Voilà. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Okay. Monsieur Mazur, Gérard, écoutez, vous ouvrez vos esgourdes. Non, écoutez, monsieur Gérard, je suis absolument navré, mais la teneur des débats évoquait plutôt l'Assemblée nationale, un tel Capharnaüm que je n'ai pu saisir votre question. Auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de répéter? Non, je ne répète pas la question. Monsieur Gérard, je vous le demande très gentiment. S'il te plaît, Gérard, répète. Faut-il un référendum pour le quinquennat terminé, bien entendu, nous sommes en démocratie, alors c'est la moindre des choses. Pas de gros mots, s'il te plaît, monsieur Mazur, pas de gros mots. Pardon, j'ai dit démocratie, on reste poli. Non, on ne peut pas dire ça. Alors, nous sommes dans un système, n'est-ce pas, où le peuple décide, et je trouve qu'il serait de bon ton, n'est-ce pas, de demander l'avis au peuple avant de s'engager sur une question assez grave, n'est-ce pas? Vite couille! Sandy, à ton merde, au revoir! Madame Vite couille. Bonne nuit. Comme ça, celle-là, elle aura tout compris de ce que ça voulait dire le quinquennat, alors qu'elle a 23 ans, qu'elle sait même pas ce que je veux dire. Ah, tu te crèdes. Jojo d'Ajaccio, maintenant. Ouais, Gérard. Ouais, mais disons que moi, j'ai un avis sur la question, mais les gens, ils me demandent pas mon avis. Hein, parce que moi, je sais que Ivan Colonna, il se cache dans mon KGB, là, dans mon jardin. Bon, Jojo, au revoir. Mais c'est vrai. Au revoir. Allez, hop. Comme ça va aller plus vite parce que j'aime pas les gens qui se foutent de ma gueule en se mettant en loin comme ça pour dire qu'on est Jojo d'Ajaccio. Gérard, tu sais. Oui, mais. Alors, il y a Davy One qui me dit sur l'IRC qu'il paraît que la longueur du quinquennat a été calculée à l'aide d'une matrice booléenne. Est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode? Non, c'est faux tout ça. Bon, ils ont pas fini sur l'IRC de nous mettre des questions. Ah, écoute, il est en école d'ingénieur de quinquennat. Ouais, c'est ça, en école d'ingénieur, moi je suis en école d'animateur radio. Ok, on est combien? Vite fait, là, le point avant que je pose la cinquième question. 5. Dans le studio, la mère de Manu, Manic, on est 5. Ouais. Ouais. On est combien, là, sur l'IRC? On doit être... tout à l'heure, on était 7047. Et on doit être à peu près pareil. Ok. Ouais, on a un petit peu, quoi. Alors, une question qui est super bien. Ah, le quinquennat est-il réservé plus aux hommes qu'aux femmes? Elle est bien celle-là. Ouais, c'est vrai. Attends, il y a deux auditeurs en plus de nouveau pour le débat de Gérard. L'émission sponsorisée par les camions Balbo. Fildar. C'est pas moi. Fildar, il est temps que tu te casses au mois de septembre, comme ça tu me feras moins chier. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'on se fasse du blé avant de partir, c'est pour ça on ramasse un max. Ouais, ouais. Donc, toi, t'as pas besoin de lait avant ton mariage. Ok, on va accueillir Ramzy. Bonsoir. Ramzy, bonsoir. Et on bonsoir Fulda, bonsoir Manu, bonsoir les auditeurs. Salut. Bonsoir, et on va accueillir Vladimir Pouskine. Oui, t'as bien bossé mon con aujourd'hui. Ouais, t'as bossé grave. Manu, oui, au deuxième débat, je veux plus te voir. Je veux pas te voir au deuxième débat parce que là, pour l'instant, tu me passes ma chatte. Je suis pas ta chatte, d'accord. Pour l'instant, t'es en train de me prendre des auditeurs cons. Bah écoute, bah non, attends. Bonsoir Gérard, bonsoir Vladimir, bonsoir à tous les auditeurs. Bravo pour ce que tu as fait avec Brice Le Thiot d'abord. Ça y est, ouais. Pas de politique, merde. Ouais, alors, Ramzy, t'appelles d'où? J'appelle de Troyes. Oh, chaud. Encore. Oh, l'enculé, il dit au revoir, hop, terminé. Encore, allez, au revoir, Ramzy. C'est pas moi, c'est l'autre auditeur. Là, je m'en fous, allez. Terminé. Bonne nuit. Okay. Bonne nuit, allez, hop. Comme ça, celui-là, il ira vite. Vladimir, t'appelles d'où? De Moscou, non? Vladimir, t'appelles d'où? Une seconde, calme-toi, deux secondes. J'appelle de Caen. Ta fréquence? 102.7. Alors, la question, vous l'avez tous entendue? Ah ouais, c'était génial. Non, pas du tout. Oh non, mais ça y est. Oh merde, c'est chier. Putain, ils font chier quand ils s'y mettent. C'est le bazar. Le quinquennat est-il réservé plus aux hommes qu'aux femmes? Alors, monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Oui, mais on s'en fout, bonsoir, on a. Monsieur Mazur. À madame votre mère, n'est-ce pas, qui paraît qu'il est présente. Je la salue bien bas. Dis bonjour à monsieur Mazian. Oui, bonjour. Bonjour, madame Manu. Bon, moi, je vous appelle comme ça, n'est-ce pas? Alors, oui, monsieur Gérard, pour répondre à... Bon, monsieur Mazur. Moi, je dirais... Bon, monsieur Mazur, je vous pose une question. Vous arrêtez de dire bonsoir quand je vous demande de répondre à la question, d'accord? Absolument. C'est merci. Une formule de politesse, je ne le répéterai pas. D'accord. Alors, écoutez, de par l'étymologie même du mot quinquennat, je crois qu'il sort directement de la bouche de notre président de la République, n'est-ce pas? Je dirais que c'est, bien entendu, on dit un quinquennat et non pas une quinquennate ou une quinquennette. D'autre manière, ça se dit un quinquennat. Pardon, excusez-moi. Ça se dit un, ça se dit oui, pas une. Non, eh bien, j'y arrive. Eh bien, je pense que le quinquennat, par définition, est donc plus masculin. Alors, avec une question, monsieur Mazur, une question que je vais vous poser. Si, par exemple, une femme est élue présidente de la République. C'est impossible, monsieur Gérard, vous le savez bien. Vous non, mais attends. Vous fabulez, monsieur Gérard. Non, mais attendez, ça peut très bien se produire. Mais quand... non, monsieur Gérard, si. Nous avons déjà eu un exemple d'une femme Premier ministre. On sait bien maintenant... cette personne a complètement disparu de la circulation. Je veux dire, on l'appelle Cresson Mystère maintenant, par ici. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Au revoir. Pourquoi, monsieur Gérard? Il n'a rien dit. Au revoir. Il n'a rien dit. Oh. Bonne nuit. Gérard, tout le monde peut en témoigner. Je n'ai absolument rien dit. Je ne comprends pas. Moi, je témoigne. Hein. Rien dit. Il n'a rien dit. On verra. Attendez, c'est. Vladimir. Bah oui. Non, 5 minutes, Vladimir. Non, c'est pas grave, vas-y. Vas-y. Non, mais tu m'accueilles un autre auditeur en priorité. Bon, on accueille Eric Judor, bonsoir. Oui, bonsoir. T'appelles d'où, Eric Judor? J'appelle de Nantes, 97.3. Bon, ok, super. Parle bien dans ton téléphone, Eric. Hein. J'espère que c'est pas... Plaît. C'est un portable? Non, c'est un Bouygues. Bah non, c'est un téléphone fixe. C'est un Bouygues. Ouais, mais tu parles devant ta sucette. C'est un Bouygues SFR. Manu. Rigo, pardon, merde. Je m'appelle toujours comme ça. Il y a Esme sur Yersi qui voulait savoir combien est-ce qu'on peut garer de camions dans un quinquennat. Bon, alors je réponds même pas à cette question pourrite. Bon, là, ça sert à rien du tout de l'avoir que je t'aille demander la question. Tu t'appelles Simon sur Europe 1, Rigo. Je crois que cette question-là, j'y répondrai même pas. Arrête, Hilda. Vladimir. Il y a autre chose, non? Non. Non, bon, tant mieux. Bon, tu me laisses parler? Si je veux, tu permets? D'accord, je le permets. De toute façon, c'est un show, Vladimir. Alors, Vladimir, donc toi maintenant? Ouais, bah alors moi, je pense que des femmes au pouvoir, c'est pas possible. Bah alors, tu peux me dire comment que ça se fait qu'il y en a qui sont quand même. Je citerai pas de nom, c'est tout. Bah alors? Mais je te dis, moi, il y a des femmes qui sont dans le gouvernement. C'est tout. En l'air à l'Elysée, tout ça, donc c'est pour ça que. Ouais, bah alors Vladimir, la partie de Jean Monlard, tu vas la faire avec ta femme dans ton lit. Au revoir. J'ai rien dit. Au revoir. Mais attends, mais j'ai rien dit. Au revoir. Calme-toi. Allez, hop, bonne nuit à Vladimir. Jacques Lang de Fourré. Jacques Lang Fourré, c'est bien ce que j'ai dit. Moi, je pense qu'il faut respecter la parité. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je taxerais les gens qui disent ça de misogynie, carrément, direct. Mais attends, tu peux expliquer? Eh ben, la misogynie, c'est quand, en fait, c'est pas bien. Et ça, moi, je pense qu'à la limite, ça devrait pas exister. Mm-hmm. Gérard, sur RC, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que tu expliques ce qu'est la parité. Mm. C'est quoi, ça? C'est ce qu'il t'a dit l'auditeur dans sa réponse. Mais attends, mais la parité... Pour le quinquennat, tu devrais savoir ce que c'est, forcément. Si mais attends, la parité, de manière, c'est que ça soit réparti, que ça soit autant d'hommes que de femmes qui soient au gouvernement, c'est tout. Chaud. Voilà. Voilà. Eric Judor. Je ne l'attendais pas, là. Eric Judor. Non, mais là, t'as tout déchiré avec ton histoire de la parité, c'est exactement ça. Il y a autant de l'habitude, franchement. Bon, Eric. T'as tout niqué. Eric Judor, une fois le nom. Bah, qu'est-ce que je viens de te dire? Ah, t'es une lumière. Attends, mais... Tu m'as niqué 3 ans de ma vie là, avec cette réponse, hein, laisse tomber. Alors tu vas pas répondre? T'es trop fort, toi, t'es en grand main, toi aussi. Ah, tu vas pas répondre? Mais si, je t'ai répondu. Je t'ai dit qu'il y avait la parité, c'est qu'il y avait autant d'hommes autant d'hommes que de femmes à la politique. Mais attends, espèce d'andouille, c'est moi qui viens de le dire. Mais non, c'est ma réponse. Mais non, mais moi, c'était la mienne, espèce d'andouille. C'est ma réponse. Si t'es pas content, tu gères, mais c'est tout. Non, je suis très bien. Bon, bah alors. Attends, GG. On peut faire un deuxième essai pour voir si t'étais juste. Non, il n'y a pas de deuxième idée, pas de deuxième essai. C'est quoi la misogynie, Ah merde, il n'y a pas de deuxième essai, Manu. Ça me rassure. T'as pas d'autre auditeur? Si, j'ai Conchita Martinez. Bonsoir. Oh, putain. Bonsoir, Conchita. Bonsoir, Martinez. Conchita Martinez. Bonsoir, madame Conchita. J'adore qu'est-ce qu'il fait encore là, monsieur Mazur? Bah, on l'a pas viré, il a rien dit. Faut aimer le jambon d'Espagne, mais j'aime tes cuisses. Ah non, mais attends, mais moi j'ai dit que monsieur Mazur, j'en voulais plus, hein. Bah attends, il y a plus qui répond bien dans le débat. Non, non, non, mais moi j'ai dit que monsieur Mazur, j'en voulais plus. Bonsoir, monsieur Mazur. Tu devrais être content, sérieux. Conchita Martinez, là. D'un site de copière, j'appelle de 3. Oh là, encore une croyante. Bon, allez, tu réponds, Conchita Martinez. Si je suis pour la parité. Quel est le quinquennat est-il réservé plus aux hommes qu'aux femmes? Point final à la ligne. Vous arrêtez avec vos parités parce que vous commencez à me les gonfler. Moi, je trouve que ça devrait être plus réservé aux femmes. Parce que moi, dans ces cas-là, je vais vous demander, est-ce qu'il faudrait plus de parité dans le tennis ou pas, ou dans le football? Alors, Eric Judor, au revoir. Putain. Il n'y a pas de putain du moment de travail, allez, dégage. Allez, terminé celui-là. Gérard, j'ai une petite question de Snooze sur l'IAC, où on est 8743. Ah bien, ça monte. T'écris gros. Hein. Mmh. Et donc c'est une question de Snooze, il demande si le président est un cachalot, est-ce que le quinquennat durera 110 ans? Bon, alors lui, sa question, il se la carre ou quoi, je pense, parce qu'il n'y a jamais eu de président qui faisait 110 kilos, ça n'existe pas. 110 kilos en président de la République, qui bah, dans le 15, j'en ai vu une, moi. Dans la circonscription. Dans le 15e, elle t'emmerde, la mienne, d'accord, espèce de connard. C'est pas la tienne. Alors ta gueule, elle faisait pas. Dans un break. Calme-toi, on parlait pas d'elle, on parlait d'un cachalot. Ouais, ben je m'en fous, il n'y a pas de président cachalot. Manu. On va accueillir à la place de je sais plus qui. Eric Judor. On va accueillir Pouscaï. Oui, et avant d'appeler Pouscaï, c'est bien les débats de Gérard. L'émission sponsorisée par Chocopip. Pouscaï. Ça, c'est bien tes conneries, hein, Fulda. Après, tu diras pas que c'est toi, là. Bah non. Non, c'est moi qui s'amuse. Pouscaï, t'appelles d'où? Ouais, ça va, bonsoir, tranquille. Ouais, t'as 101.9. Ça va, tranquille. Tranquille. Quand tu t'as Martinez, t'appelais d'où? Parce que j'ai pas eu ta fréquence. J'ai dit, j'appelle de 3. Ta fréquence de 3. C'est 107.3, ça a pas changé depuis tout à l'heure, c'est en numérique. Bah ouais. Ouais, Rigo. Non, vas-y, enchaîne. Vas-y. Non. C'est ton débat. Il n'y a pas de zik, on fait des. On enchaîne. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Non-stop, beau gosse. Faut-il un diplôme pour être président? Tiens, on va demander à Pouscaï. Pour être président pour le quinquennat, hein, attention. J'ai pas fait d'études, tu vois. Non, parce que Gérard, au lieu de montrer tes dents au micro, c'est pas beau. Gérard, est-ce qu'il y a une différence entre le président qui fait le septennat, qui a un diplôme? Le quoi? Je parle septennat, le quinquennat, c'est pas zandouille. Non, mais justement, par rapport au président actuel, donc il y a des diplômes pour être président septennat. Un quinquennat de 7, on dit. Oui, un quinquennat de 7. S'il te plaît. Est-ce que le président qui va peut-être faire un quinquennat. On n'en sait rien, s'il a besoin de diplôme ou pas? Justement, on n'en sait rien. Non, mais il en faut moins, vu que c'est moins long. Qu'est-ce qu'il me sort? Il faut moins de diplômes, parce que c'est moins long. Ça sera moins long d'ici une semaine. Bien rebondi, c'est Pouscaï. Ouais, je pense qu'il faut des diplômes, c'est sûr. Oh alors, d'accord. Oui, ta question, elle est débile. Quand tu t'as Martinez. Trop bête comme mec, toi. Oui, j'espère que les gens qui gouvernent ne sont pas des neveux, quoi. Pour l'instant, on en a eu. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais on en a eu des neveux, hein. Non, mais Gérard, tu vois ce que je veux dire. Celui qui s'amuse à dire des conneries, tu vas voir, il va gerber dans moins de deux minutes, Gérard. Gérard, si t'étais président, tu ferais quoi, toi? Ah, moi, je changerais tout, hein. Oh, c'est clair. C'est quoi? Plus de foyer. Si j'étais président. Plus d'arbus. J'en prends un cajou gratos. C'est ça, là. Plus de chiottes. Ouais, alors, Jacques Lande, je t'emmerde. Au revoir. Attention. Je te préviens, Jacques Lande, tu restes poli avec les gens qui t'emmerdent. Ok, au revoir. Attention, ça va tomber. Allez, au revoir à Jacques Lande. Ta gueule, hop, au revoir. Bonne nuit à Jacques Lande. Comme ça, celui-là, il prend moi Jacques Lande. Oui, Gérard, sur IRC, il y a Esmé encore qui te demande, elle voulait savoir pourquoi il y avait quinquennat et pas deux. Et elle préférait qu'il y en ait deux pour la parité. Qu'est-ce que t'en penses? Mais non, mais de toute manière, on n'a qu'un président de la République, on n'en a pas deux. Mais sa question, elle a ni queue ni tête, c'est comme elle, c'est pas tapé sur l'IRC, c'est tout. Conchita Martinez. Bah, je viens de te répondre là. Alors, monsieur Mazur. Oui, absolument, j'imagine que, écoutez, minimum, le BEPS. De quoi? Le BEPS. C'est quoi? Eh bien, le BEPS, c'est un dérivé du TUC. Et le TUC, c'est quoi? C'est un diplôme de jeune. Ah, d'accord. Voilà. Et ça aboutit à quoi derrière? Bah, écoutez, ça aboutit déjà à un diplôme, à la possibilité de choisir son métier, notamment celui de président de la République. Ah, d'accord. Voilà. Ça peut s'acheter, monsieur Mazou? Ah non, absolument pas. Écoutez, non, nous vivons en France. La France n'est pas un pays de corruption par définition. Donc, vous pouvez obtenir le BEPS en choisissant des paquets de céréales, je crois. C'est ça, alors pour ça. Sponsorisé par Chocopip. C'est bien de préciser les marques, c'est pas mal. C'est bon, monsieur Mazur. Manu. Ouais, on va accueillir Mazarine Chirac. Bonsoir. Bonsoir qui à tous. Mazarine Chirac. Bonsoir, c'est une exclusive pour fun. Mazarine. Bonsoir. Mazarine. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis là. Hein. C'est lui, hein, c'est lui, Mazarine. C'est moi. Hein. C'est un garçon, mais. Ouais, non, on prend. D'accord. C'est Chirac, là, c'est pour ça. La fréquence. Ah, il y a des homonymes. 107.2. 107.2. Ah, c'est pas 93, hein. C'est... Ouais, bien sûr. Ouais, donc. Je dédicace à ma mère l'info quand même. Ouais, c'est ça. Bah, moi aussi, je dédicace une info à n'importe. Clé d'enculé. Oh, tu restes poli, toi. Bah, allez, vas-y. Pousse-couille, là. Bah, mais c'est pas moi, reste tranquille. Marine. 25 de fil rouge. Marine, là, tu réponds. Marine, c'est qui? Mazarine, c'est moi. Ouais, Mazarine, là. Ouais. Bah, attends, est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Putain, faut-il avoir un diplôme pour être président? Au quinquennat. Ouais, attention. Non, il me semble que oui, il faut des diplômes. C'est quand même des êtres qui s'occupent de la bonne vie en société. Donc je pense que oui. Hein, et je tiens à faire encore une dédicace pour ma... Non, c'est bon, hop, terminé. La dédicace, c'est le matin entre 6h et 9h avec Bob. Avec Bob, hop, terminé. Chaud sur la prog. Gérard, oui. Une petite question de noix de coco, je comprends pas du tout. Il me demande, est-ce qu'un quinquennat peut se faire en essai TX? Non, ça a rien à voir, ça. Ah. Le quinquennat, c'est des trucs de président. Les essais TX, c'est pour savoir si son TX fonctionne bien. Ça a rien à voir avec le débat d'aujourd'hui. Les débats sur la CBI, on en a déjà assez fait. Donc, celui-là, il commence à me les gonfler. Ces essais TX, il s'est fait dans son camion. Voilà. Excuse-moi de t'interrompre encore, il y a une petite question de Cara Fafa. Il te demande, est-ce que Clinton fait le quinquennat? Justement, comment ça se passe? Non mais justement, c'est là qu'on va en parler. Tu fais chier, tu bousilles. Y a-t-il un quinquennat dans les autres pays? Comment qu'il peut avoir les questions? Ils disent que c'était sur radiogérard.fr.fr. C'est ça. Celui qui s'amuse avec ça, il va bien m'enfler. Donc, alors, y a-t-il un quinquennat dans les autres pays, c'est-à-dire les USA et tout ça? Donc, on va Monsieur Mazur, comme il s'y connaît bien. Vous savez tout comme moi, bien entendu, en ce qui concerne les États-Unis. Attendez. Oui. Tu sais que tu veux demander quelque chose à Rigaud, là? Non, parce qu'il a dit une connerie, c'est pas sur Radio Gérard. Attends, tu sors d'où, toi? C'est ton Conchita. Ah, c'est Conchita Martinez? Ça va, ouais? Quoi? Tu t'es mis à naïf, hein. Oh, tu te sens bien, là? Monsieur Mazur, il voulait répondre, là. Il était chaud comme la braise. Eh, mais tu te sens bien quand tu fais ça, là? J'ai rien genou, là, naïf. Dans les fesses. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. coup. Écoutez, maintenant, avec cette interruption, j'ai perdu le fil de mes pensées. Non, bah, c'est pas grave. Y a-t-il le quinquennat ailleurs qu'en France, monsieur? Monsieur Gérard, ne me coupe pas tout le temps la parole. Ah, bah, si, si vous voulez pas répondre tout de suite, je peux. Quand tu es à Martinez, tu réponds à la question. Monsieur Mazur, votre gueule. Monsieur Mazur, vous taisez, vous. Allez. Coupe, Monsieur Mazur, coupe. Merci. Ok, Gérard. Putain, mais t'es bouché des oreilles, faut peut-être aller voir quelqu'un, toi. Tranquille, deux secondes, là. Oh là, s'il te plaît, le fais pas trop crier, je suis à côté. Quand tu es à Martinez. Ouais, moi j'ai entendu qu'en Europe, il y avait... Là, tu lui dis même au revoir. Hein? Soit le vice-président, M. Al Gore, ou bien encore l'un de ses concurrents républicains. C'est intéressant ce qu'il dit. Je veux bien sûr parler de John McSilver. Exactly. Alors, John McSilver est bien entendu le concurrent direct de M. Clinton. Tu me coupes, tu lui dis au revoir. Merci, et tu es quand même. Faute. Assieds-toi, Gérard. Gérard, reviens à ta place. On va le couper, on va le couper. Mais non, tu fais n'importe quoi. Laisse tomber l'affaire. Touche pas au standard. Regarde, vite fait. Vite, d'accord. Et rentre à ta place. Dis-lui vite fait. Tu dis rapidement, bon, vite fait, je vous dis au revoir. Tu vois, t'as pas le temps. Hop, monsieur Mazur, au revoir, terminé, j'ai plus besoin de vous. Au revoir. Et il était de grand secours. Monsieur Mazur, t'as de la chance, il peut vous voir. Quand c'est à Martinez. Ouais, donc je te disais, en Europe, il y a déjà le Brésil, la Hollande, l'Angleterre. Et l'Espagne, si je ne m'abuse. Mais on s'attend à s'agrandir. Hein. Y a-t-il un quinquennat dans les autres pays? C'est ça que je te demande. Ah, mais c'est ce que je te dis. Moi, je connais les pays d'Europe. Hein, parce que, Mais là où elle gore... Oh non, Manu, d'accord. Je sais pas où l'est. C'est concernant l'achat à niveau mondial. Bon. Mondial, n'est-ce pas? Et au niveau de l'économie d'ici. Ah, on l'a trouvé, c'est bon. Autant pour moi, il était en 1. Ouais, ben, tu lui dis au revoir pour de bon, parce que j'en ai marre de lui. Ok, je peux pas le revoir à 4h du matin. Ça marche. Ok. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. C'est ça. Manu. Ah non, bah là je suis innocent là. Ouais, non mais... Non, c'est un truc enregistré, c'est un bidon, ça c'est un auditeur qui a fait un Pascal. Ouais, bah j'ai déjà répondu à tes questions, alors franchement... Non, y a-t-il un quinquennat dans les autres pays? Non, tu n'as pas encore répondu. Ouais, excuse-moi. T'as répondu sur la 7, hein. Ouais. Bon, alors, non, je pense pas. Hein. Je pense qu'il y a qu'en France. Bah non, parce que la preuve que maintenant, ça va être un peu partout, hein. Ouais, mais tu vois, tout de suite, là, je pense qu'il y a qu'en France. Bon, bah ok, bah si c'est ta réponse, moi, je veux bien, hein. Mazarine. Oui, pirate, quand même, je t'ai un précisé. Moi, le quinquennat, il me semble que, ouais, aux States, il y a un quinquennat comme ça. Hein. Ou aux États-Unis. Aux States, hein, c'est crache dessus, c'est un truc de ouf, quoi. Mais ça y est, ouais, là, dans le... C'est en face. Tu leur dis qu'ils se calment un peu. En face, c'est nul, hein. C'est nul, hein. Ouais, ils déconnent en face. Ouais, Manu, pour faire rien, ça change la carte. On accueille Michel Ricard. Bonsoir. Tu peux éviter de préciser la marque utilisée par l'animateur. C'est le nom de famille. Ouais. T'appelles d'où, Michel? Alors, j'appelle de Bourbourlet. C'est où ça? C'est dans les Vosges Atlantiques. La fréquence des Vosges? 109.9. 109.9, ok. Bonsoir Gérard. Ah, Gérard, excuse-moi de t'interrompre, ouais. Cher auditeur. Okay. J'ai une très bonne question de Clinton, je ne sais pas si c'est le vrai. Il demande si le quinquennat ne risque pas d'augmenter le prix des paquets de cigarettes. Bah ça, pour l'instant, il ne parle pas des hausses... Genre des Camels, Marlboro... Non, merci. Tu te tairas pour me sortir ça, je ne répondrai pas à l'auditeur. Merci d'engueuler du Street, faut dire. Non, mais de toute manière, c'est même pas la peine que je lui réponde. Okay. Ah, terminé. Michel. Ouais. Moi je sais le quinquennat dans les pays étrangers, c'est ça, hein. dans les autres pays. Ah pardon, dans les autres pays. Je sais que les Indiens Raoni d'Amazonie, ils ont un quinquennat de 12, je crois. Non, ça n'existe pas. Si, ah bah si, il me semble, hein, moi c'est ce que j'ai entendu dire, mais ils allaient sûrement adapter le modèle français là-bas. À part ça, moi je pense que non, à part ça, les autres pays, ils ont leur propre système, parce que tu vois, par exemple, en Angleterre, ils ont un roi, enfin une reine. Mmh. Donc, je sais pas, est-ce que tu crois, toi, que le quinquennat est applicable aux majestés, en fait? Fildar, s'il te plaît. Oui. Quand tu partiras, tu t'amuseras pas à mettre une double voix. Hein, mais attends, je peux ouais, pas. Ouais, non, mais je te préviens. Mais je peux pas mettre de double voix. Non, je te préviens, C'est le deuxième avertissement de la soirée. Mais j'en ai pas eu un, j'ai pas eu le premier. Moi, qu'est-ce que je voulais vous dire. Donc, y a-t-il un quinquennat dans les autres pays? Ça m'étonnerait. Ah, celui qui s'amuse à faire ça, c'est peut-être Monique, hein. Non, parce que tous les micros sont éteints, il y a que le tien, Blaireau. Toi. Blaireau, il t'emmerde, connard. Bah tu vois, là, je peux pas faire la voix si je parle pas. Allez, terminé. Dernière question et après on laisse la place à Max. Non, Max nous a dit qu'on pouvait déborder. Non, mais moi je suis la dernière question et après je suis la conclusion. Et toi, alors qu'est-ce que tu en penses sur la sixième, là? Bah de quoi, sur la cinquième? Sur un cinquième, moi je viens de répondre. Ah, t'as fait 6 questions, ma feignasse, en plus. Non, il y en a 8. Eh ben alors c'est bon, encore 3 questions. Non, mais il y en a 8 que je sais pas parce que j'ai pas les années. C'est quoi les années? On s'est trouvé, nous. Ouais, alors vas-y. Alors depuis quelle année existe le quinquennat? Toc, alors vas-y. C'est quoi, ça, c'est pas? Bah c'est cette année là, c'est Chirac là. Bon. Ouais, non mais depuis quelle année que ça existe, espèce d'andouille? Bah 2000. Ça, ouais. En 2000. Mais non, on l'a jamais fait. Bah si, ça s'est déjà produit bien avant. C'est Georges Pompidou, je crois, un truc comme ça. Oublié. Ouais, voilà. Il vient de le dire en l'instant, Georges Pompidou qui l'a inventé. Bah, alors, ouais. Paf. Voilà, ça y est, là, la question est répondue. Georges Pompidou, c'est quelle année? 1900 et des brouettes. Ok. Gérard, ouais. Tu as répondu tout à l'heure à ma question. Toi, tu penses que le quinquennat, c'est applicable aux majestés et tout ça? Bah, de toute manière, pour les rois, on ne sait pas, parce que là-bas, en Angleterre, on ne sait pas exactement pour combien de temps qu'ils sont élus. Le roi? Non, ouais. Bah ouais, le roi, ouais. Ah, le roi, c'est pas la reine ou quoi? Non, mais on sait pas pour combien de temps qu'ils sont élus là-bas, en fin de compte. Par exemple, au Vatican, est-ce que tu crois qu'il faudrait faire Mais attends. Mais non, mais on parle pas du pape, on parle des présidents de la République, on parle pas des papes. Non, mais pape, c'est un quinquennat papal. Mais ouais, mais attends, alors là, dans ce cas-là, l'autre, il a je sais pas quel âge, il marche avec une canne. Attends, ça va comme ça. Bah, juste, on parle pas de la religion. Hein. Bon, bah alors. On te respecte en tant qu'alcoolique, parle pas de la religion. Attends, Mazarine! Mazarine! Non! Mazarine! Tu sais ce que tu as à faire? Tu as continué d'aller picoler dans ton lit, au revoir! Mazarine, bonne nuit! Picoler! Alors, que pensez-vous? C'est pas moi, merde! Putain, je sens que le rapport, il va être gros jeudi! Gros dossier, jeudi. Ouais, tu vas voir! Ça va être chaud. Alors, dernière question. J'en ai une petite quand même avant. Ouais. Il y a Thomas sur l'IRC. elle est bonne. Il y a une question de Thomas sur l'IRC. Il dit que vu que le père, il n'y en a pas deux, est-ce que le quinquennat existe aussi en rouge? N'importe quoi. Ah, ouais. Voilà. C'est une question. Mais toi, tu comprends. Non, mais attends. Lui, comprends pas. Le Père Noël, tu crois qu'il y a deux Pères Noël qui vont perdre le quinquennat? Non, mais attends, n'importe quoi. Bah, t'es vraiment taré. T'es vraiment taré, toi. Mais non. T'es taré de chez grave. Il est temps que tu te barres en vacances et que tu reviennes plus du tout après. Attends, tu lui poser la question. On sera tranquille. Au Père Noël, quand il est passé au foyer cette année. C'est ça. Allez, va te faire foutre. Arrête de parler du foyer parce que tout à l'heure, je vais t'embêter dedans d'un gueule. Parce que tu mérites que ça en ce moment. Bon, arrête. Ok? J'ai rien fait. T'es qu'un pauvre con. Oh, bah ça va. Ok? En vivant que tu te tires. Alors, dernière question. Que pensez-vous? Ah, un petit jingle. C'est bonus là, Mario. Mario. Un champignon de la gueule. Voilà. Ah, il m'a éteint ma machine. Ah putain. C'est un vieux loup des studios maintenant. Ouais, C'est un vieux loup tout court. Manu. Ouais, on accueille Super Popo, bonsoir. Ah super. Bonsoir. Sans Super Popo. J'ai du bon matos. Ouais. Yes. T'appelles d'où? J'appelle de. J'ai pas cherché. T'appelles d'où? Non mais de Bordeaux. Mais non, Bordeaux, t'es de Bordeaux. Ah Bordeaux. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Parce que l'autre, tu te dis Bordeaux, tu dis Bordeaux. Non, c'est qu'il a déjà. Il appelle souvent, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Genre, il y a du Super Popo à Bordeaux. Ouais, c'est ça, t'as raison. Donc. Bon, dernière question. Que pensez-vous de l'intervention du président de la République sur le quinquennat? Pourquoi pourri tes questions? Quinquennat. Ouais, déjà. Quinquennat, ouais. On a la taf de dingue. Super vrai, hein, franchement. Super Popo. Ouais, tu parlais de Chirac, là, c'est ça? Ouais. Ouais, je pense qu'il a eu tout à fait raison, parce que, et à mon avis, il voit déjà les procès arriver, là, parce que je pense que Tibéri n'est qu'un bouc émissaire, hein, devant une... Super Popo, tu parles de... Tu réponds à la question correctement, ou sinon tu vires. Bah, attends, mais j'allais te faire une réponse, là. Moi, je pense que... Non, mais moi, je te dis, c'est ma réponse. Ouais, alors répète-la-moi bien que... Alors, bonne nuit. Hop. Mais non, mais viens d'arriver. Au revoir. Terminé. Allez. Hop, tu lui dis au revoir, comme ça, il comprendra ce que je veux dire. Michel. Faut tolérant un peu dans la vie. Michel. Moi, je pense qu'il a été tout naze, tout ridicule. Mm-hmm. Le grand gominé, là. parce que franchement il a retourné sa veste et que je le vois, ouais, franchement ça présente mieux quand il a bouffé des petits fours à la grande partie du 14 juillet plutôt que se la taper sérieux à parler du quinquennat là, avec deux pauvres journalistes. Non, franchement, non. D'accord. Ok. Justement, j'en parlerai après. Parce que ça, tu votes pas. T'as une carte d'électeur de la République des Manouches, ça c'est d'accord. Mais, alors, Michel, au revoir. Je voudrais avoir ton avis quand même. Au revoir. Michel, au revoir, bonne nuit. Au revoir, Michel. Il viendra après, Michel, t'inquiète. Non, mais t'auras mon avis après. Ok, au revoir. Gérard, vite fait, sur IRC, il y a quand même Yankee qui dit qu'il s'en pète du quinquennat, vu qu'en attendant, sur Fun, il y en a qu'un qui est naze. Ah ben, lui, il est aussi con que celui qui est sur Fun, et moi, je dépense pas mon fric à gogo. Je ne vais pas avoir plus de deux briques à payer pour... C'est gratuit, l'Internet, la nuit. Ouais. Ouais, ça, t'as raison. Ouais, t'es con, toi. Je suis moins con que toi, espèce d'andouille. Ça, c'est pas sûr. Pouscaï. Ouais, bah, franchement, tu vois, le truc, c'est que moi, Chirac, il m'intéresse pas trop, donc j'ai pas regardé. J'ai préféré regarder une cassette d'Agence Tourisque. D'accord. Bien les pubs. Bah ouais, Manu. Bien sûr. Donc j'ai deux nouveaux auditeurs. J'ai Eddy. Bonsoir. Salut. Bonsoir Eddy. Sois bon. Eddy, une fois. Oui, je suis là. Bonsoir. J'appelle Gérard. 99.7. Et on accueille Charles Pasquat. Bonsoir. Bonsoir, c'est Charles Pasquat. Salut Charles. J'appelle de Toulouse 117.7. Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir tout le monde. On termine avec cette question. Que pensez-vous de l'intervention du président de la République sur le quinquennat? On en est à Conchita Martinez. Fulda, tu arrêtes. Dernier avertissement. Bonjour, c'est Dimitriel. Conchita Martinez. Oui. Bonsoir, mon président, c'est les innocents. Bonjour, c'est Joe Coca. Mais c'est pas moi, mais merde. Calmez-vous, laissez répondre Conchita, les auditeurs. Moi j'ai trouvé vachement craquant le soir où il a fait ça. Ouais, ouais, tu crois que je t'ai pas vu faire, hein. C'est l'insert, ça. Ouais, non, mais tu peux préciser. Allez, on y va, là, c'est la nuit marathon, là, on n'a pas fini. Ah, mais allez-y, là, répondez, merde. Conchita, tu réponds ou quoi? Alors, moi je te dis, moi j'ai trouvé vachement craquant le soir où il a fait ça à la télé. Voilà quoi. Edith. Salut, c'est Dimitriel. Moi, tu réponds. Edith. Bah, Gérard, c'est vrai que tu trouves. Pas dans ton téléphone, Edith, on t'entend pas. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Gérard, je suis un peu dans la même situation que toi, ça fait 5 ans qu'il anime des trucs à la con. Donc, quinquennat, ça serait pas mal parce que ça te permet d'être dégagé maintenant. Ouais, bah dans ces cas-là, tu sais ce que j'ai peur? Bah, je vais te dire au revoir tout de suite à toi. Hop. Ok. Au revoir, bonne nuit. Et je t'encule, connard. Pas moi, PD. Ok, le mec. Charles. Ouais, bah écoute, moi je t'avoue que je l'ai pas vu. J'étais occupé à essayer de choumer la culotte de Marie Pierce là pendant la finale. Donc, je t'avoue que j'ai pas tout suivi là. Je te signale que l'intervention du président de la République a lieu avant la finale, après la finale. Ouais, mais je sais, mais justement, j'ai essayé de choucher la culotte, alors ça faisait 4 fois que je regardais le match en boucle et bon, c'est chaud quoi. D'accord, à tout le monde, regardez-le. Ouais, bah je pense que tu te trompes carrément. Bon, c'est aussi alors... que la gaine à ta grosse, hein, moi je te le dis. Oh là, la gaine, Charles! Charles, la gana ma grosse, tu sais ce qu'elle te dit? Attends, merde, et attends, cul, au revoir. Oh, pas de vulgarité. Allez, hop. Sandy n'a pas de gaine, ça tient pas. Très bien, tout de suite. Non, c'est terminé. Hein. Non, pour la conclusion, on accueille Mazarine Fabius. Mazarine, c'est terminé. Non, c'est pas la même, c'est Fabius. Attendez, Mazarine. Bonsoir, fille à tout le monde. Bonsoir. Salut Mazarine. Bonsoir. J'appelle d'où? J'appelle de Villiers-le-Bel. 101.9. Voilà. Bon alors, tu veux répondre à la question avant la conclusion? Et surtout, Mazarine, j'aimerais avant qu'on écoute quand même l'avis de Gérard sur... Non, mais il va tu répondre. Tu me fais un plaisir, tu me fais un petit kiff. J'ai déjà deux trucs encore à faire. Tu alors, vas me faire un kiff, toi. Allez, Mazarine. Ouais, répète-moi la question, s'il te plaît. Oh là là là, putain, mais Manu, j'ai déjà dit que quand... Quand tu me prends les auditeurs, tu leur poses, tu leur dis les questions, parce que j'en ai marre de les répéter. D'accord. On perd du temps, pas possible avec eux. Ok, tu peux me répéter la question, que je le répète. Que pensez-vous de l'intervention du président de la République sur le quinquennat terminé, point final à la ligne? Mazarine. Oh, c'est beau cadeau, ça, dites donc. Ouais, Mazarine. Moi, je trouve qu'il a été ridicule. Hein. D'accord, ok. On voit bien que c'est un faux cul. Hein, ouais, bah ça, de toute manière... On verra quand je vous dirai ce que j'en ai pensé moi-même. Comment définir le quinquennat? Alors 60% des gens sans hésitation sur une partouze à 5. C'est bien, c'est pas mal. 45% des gens pensent quand tu dis parce que les gens ne comprennent pas. Hein. Pense que c'est le Kama Sutra mieux, mais en mieux. Je sais pas ce que ça veut dire ça, mais c'est pas grave. Pense 36% pense que la définition est trop complexe pour la comprendre. Ben non, elle est pas complexe. Ça dit ce que ça veut dire, c'est tout. Et 18% des gens pensent que c'est la vie comme ça. La vie, c'est comme ça. On... Hein? On ne fait pas toujours son vœu, mon gars. Les trucs comme ça, merci, hein. Comme ça. D'où vient l'idée du quinquennat et comment? Alors, soit 82... Attends, d'où vient l'idée du quinquennat et comment, c'est ça? Et comment, ouais. Voilà. Alors, 82% disent qu'ils viennent de Giscard, de l'intestin, ben pourquoi pas. 55% des gens pensent que quelle est une idée de l'armée secrète, c'est pour faux. Et 32% ne sont pas d'accord avec mon haleine, mais je les emmerde. Et ça, et 10% me reprochent d'être trop marxiste à cette heure. Marxiste. Ah là, c'est pas mal comme ça. Alors, conclusion, donc, qu'est-ce que je veux? Ah ouais, je vais répondre quand même à la question. Donc, que pensez-vous de l'intervention du président de la République sur le quinquennat? Donc, moi, personnellement, c'est vrai qu'il n'a pas répondu correctement aux questions des deux journalistes. Ouais. Donc, il aurait pu quand même répondre mieux, parce que, en fin de compte, ce qu'il nous a dit, c'est que c'est lui qui veut faire le référendum, mais en fin de compte... C'est faux. Maintenant, c'est comme il y a un auditeur qui dit, il retourne sa veste, tu t'écrases quand je parle, parce que j'ai horreur que quelqu'un se foute de ma gueule. Je me fous pas de ça, je dis oui. J'ai horreur de ça. Ok, excuse-moi. Terminer les conclusions. Non, mais vas-y, fini. Ça y est. Parce que les deux journalistes, excuse-moi, les deux journalistes. Non, parce qu'il a pas répondu correctement aux questions, et c'est tout. Mais c'est ça, la politique, c'est mais il a répondu correctement aux questions, et c'est tout. Tu sais, il a répondu la moitié, donc je suis pas d'accord. Donc, conclusion du débat, donc, Conchita. Oui. Il y a énormément de conclusions quand même. Non, mais attends, je suis le auditeur avant, parce qu'on a besoin de. Des lignes après chaud. Pour la suite. Donc, Conchita Martinez, pourquoi conclusion, pour moi, c'est un débat de merde, hein, quand même. Et je voulais savoir, parce que j'ai appris que Céline Dion était enceinte, je voulais savoir si elle allait reconnaître l'enfant. Alors, Conchita Martinez, je t'emmerde et je te dis au revoir. Au revoir, pétasse. Bonsoir. Pouscaille. Ouais, alors moi, tu vois, ton débat, il m'a pas trop plu. Donc, ce qui se passe, c'est Rubayard, les gars, Fun Radio. Ouais. Ok, je fais passer avec deux, trois pipes. Ouais, franchement, on va trop faire, tu vois. Avec des rôtes vénères. On va te fumer vite fait, bien fait. Puis voilà, tranquillement. Bah, bonne nuit. Ok, à tout à l'heure, fais gaffe, hein. Charles. Enculé, va. Oh, il plaisante, bien sûr. Non, non, mais de manière, j'aime bien parce que les gens qui disent ça comme ça, c'est des faux culs. Charles. Ouais, t'as raison. Charles Pasquat. Charles est décédé, je crois. Ah, Charles. Il est terminé. Ouais. Conclusion de l'IRC. Ah, et moi, oh. Ah, ouais, quand même. Mazarine, ouais. Bon, moi, je pense que les problèmes ont été juste effleurés, hein. Ah oui, dans un débat aussi simple et aussi facile qui dure qu'une heure, moi, je dirais que le quinquennat décidé par Chirac, c'est juste pour gommer les erreurs du passé, hein. On ne l'enlèvera pas de la tête, hein. Écoute en parleur, Mazarine. J'ai pas d'eau. Si t'es en famille. Non, parce que là, je crois que t'as un double son qui est pourri. C'est mon père de Bré qui me l'a acheté. C'est ça. Donc, ta conclusion, c'est que... Moi, je pense que Chirac a voulu se mettre en avant pour éviter les problèmes de procès suite à la contamination de Tchernobyl, c'est tout. Hein. Non, mais il y a un truc... Non, Gérard, non. Non, je lui dis au revoir. Non, mais je suis d'accord. Non, mais attends. Je crois que c'est facile de répondre à tes questions quand on est fonce D. C'est vrai. Non, mais alors, Mazarine, au revoir. Elle est fatiguée, Mazarine, elle écrit. Hop, qu'est-ce que. Ouais, tu sais, Chirac, pendant un moment, il était pas bien dans les sondages. Donc, il dit, si je dis aux Français que je suis d'accord avec le quinquennat, ils vont dire, ah ouais, ce mec-là, il est bien. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont voter pour lui en 2002, comme il avait magouillé soi-disant. Ça lui permettrait d'être de nouveau 5 ans président pour éviter d'aller en prison. Non, mais ce qu'il y a, c'est que. En fin de compte. T'as compris ce que je t'ai demandé? Ouais, non, mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que c'est pas. En fin de compte, on sait pas ce qui s'est produit, parce que lui, il a repris derrière Mitterrand. Mmh. Donc, du temps de Mitterrand, il y a eu quand même pas mal de problèmes que lui, il a pas pu résoudre. Le gouvernement, il a changé au moins deux fois. Oui, mais on parle des magouilles. Chacun leur magouille, tu vois. Il y a eu l'histoire du sang contaminé, tout ça, donc on va pas faire une... Non, mais ça, c'est pas des magouilles, c'est des erreurs. Si. Et ce que je veux dire, c'est... Celui qui a repris, donc il n'est pas capable d'essayer de soulever le problème du sang contaminé à l'heure actuelle. Il n'en est pas capable. Hop, terminé. Hop, conclusion. Mais ce que je veux dire, c'est... Chirac dit oui au quinquennat pour être réélu, pour éviter la prison. C'est ça, ma question. De manière, qu'est-ce que tu veux qu'il risque de la prison, pourquoi? Parce qu'il a, il a fait des magouilles sur quoi? T'en sais même rien sur avec, quoi qu'il a fait des magouilles. Avec qui? Il s'est magouillé sur les foyers de Nanterre, ben ça, oui, c'est ça. Ah, écrase, ils ont bien magouillé sur ta 205 pourrie. Ah oui, c'est clair. Okay. Il a magouillé. Ils ont même des magouillés à 3, alors dégage. Allez hop, va faire foutre. Attends, il y avait Chirac, Sibéry, il était 3. Chaud les marrons. T'arrêtes un peu tes conneries, toi, parce que tout à l'heure, tu as morflé aussi. C'était la minute de film. Ah ouais, putain, ça la minute trop du longtemps. Connard. Ça faisait trop longtemps. C'était la minute. Très intéressant. La minute d'un con à l'AREA. C'était. L'émission sponsorisée par Chocopip. L'émission sponsorisée par Les Camions Balbo. L'émission sponsorisée par RVC. L'émission sponsorisée par Les Prothèses à Cajou. Alors, fil d'art, tu sais ce que tu vas faire, après tu vas rentrer chez toi, parce que tu vas pas me casser les couilles au deuxième débat. Ouais, non, mais tu attends jusqu'à 6h, ouais, mais tu vas pas me casser les couilles au deuxième débat. Conclusion de l'IRC. En conclusion, il y a Q-Jot qui aimerait bien qu'on répare Fun Radio Lyon, si c'était possible. Ah oui, 96.3. Ah. Hein. Voilà. Et sinon, il y a Q de Macaque qui dit que c'est pas le mandat présidentiel qu'il faudra concilier, mais la durée des débats de Gérard, tant de conneries, ça devient intolérable. Ouais, bah alors lui, si mes débats deviennent intolérables et mes conneries, dans ces cas-là, il reste chez lui pour le deuxième débat, ça me fera des vacances. Et en conclusion, il y a Nescafé qui voulait avoir l'orthographe exacte de quinquennat. Alors ça s'écrit Q-U-I-N-Q-U-E-N-A-T. Voilà. En de bon entendeur, salut. Et on a terminé à... Tu sais l'alphabet, mon con, ça y est. Toi, tu vas te faire poutre, espèce de connard. Note. Oui. Note quand même, parce que bon, c'est pas ça. Note en gros pour s'en dire. T'écrases. 9142. Oh, bien. Bien. Pour la 1 heure, hein. Il y aura eu 2 heures, je crois que je te faisais 10 000 dans. Je crois qu'on faisait 2 000. Tais-toi, toi. De toute manière, au deuxième débat, t'es mort. C'est bien passé. Alors, non, très mal avec lui là-bas. Normal. Lui là-bas, mal. Là-bas, encore pire. Alors, lui, il m'a pris des gens, je ne sais pas d'où, mais c'était la cata. Il y avait des gens un peu partout. Il y a quand même Mazarine Chirac. Bon, alors c'est quoi ces titres de merde là qu'on met? Alors Sandy. C'est de la groove et la dance. Sandy Garonne avec ouais, c'est gratuit. 1-1-1-1-1. Mon lit. Non, mon lit. Ouais, c'est gratuit. Et le deuxième, c'est Jacques Chirac avec Il y a dans mon slip une facture, c'est pas mal. Une facture. Et je vous retrouve. Une facture, tu comprends? Et je vous retrouve tout à l'heure à 4h pour le deuxième débat qui va porter sur les révisions, examens et révisions. A tout à l'heure. Tu vas te doucher entre toi. Voilà. Et moi je t'emmerde. T'ouvres la douche, magnifique.